France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la dernière partie d'une série d'émissions que les Nuits Magnétiques ont consacrées à la décennie 1970. Nous sommes en 1981, et les espoirs, les enthousiasmes qui animaient la société une dizaine d'années plus tôt, dans la suite de mai 68, semblent bien révolus. Partout dans le monde, on fait le bilan des grandes utopies, des grands mouvements tectoniques de l'histoire. Bien souvent, les conséquences humaines sont catastrophiques. Dans ce contexte, comment se manifestent tout de même les espérances d'un monde à construire pour la décennie qui vient ? Dans la création culturelle, littéraire, théâtrale. Et qu'en pensent d'ailleurs les jeunes générations, dans ce pays qui ne tardera pas à porter au pouvoir François Mitterrand ? Autant de questions abordées dans ce cinquième et dernier volet de l'épopée pour une décennie glorieuse dans les Nuits Magnétiques. Bonsoir. Épopée à la mémoire d'une décennie, numéro 5, suite et fin. Je sais pas, parce que moi, il y a 10 ans, c'était... C'est pas la foule, hein. On jouait partout, dans des endroits pour peu de gens. Et puis, ceux qui avaient envie d'écouter autre chose, et... disons, j'allais dans des villes en France, il y avait très peu de spectateurs. Et c'était justement, effectivement, nous, on était habillés à ce moment-là, vers 72, ou plus tard, 75. Était habillé très serré, très avec des couleurs quand même, tu vois, des maquillages, des trucs. Et le public, il était c'était encore les parkas, les baskets, les cheveux longs. C'est très, très bizarre, le rapport. Il y a eu un changement après qui s'est fait jusqu'à maintenant. Comment, quel changement ? Plus d'énergie dans l'air, en tout cas au niveau des concerts. Moins de... Bah, tout le monde s'est mis à danser, tu sais bien, à partir d'un moment donné, plus personne n'était écroulé, assis, en train de fumer de l'herbe ou du jaune. Les jeunes sont plutôt... Apparemment, ils sont beaucoup... Ils ont levé leur cul, après, à bouger, à danser, à recevoir la musique, et ce que tu peux dire d'une autre façon que d'être assis et regarder. Sondage express. Question, c'est quoi pour vous cette décennie ? Temps de réflexion, 2 minutes, tout compris. Le monsieur devant la porte de la radio. Rien, rien, je vous dis rien, je veux pas le savoir. Le monsieur, un autre, dans le hall de la radio. La délinquance des jeunes, oui, la délinquance des jeunes. Annie, ce soir, dans la cabine, à la console, le visage de De Gaulle. Après, tout se brouille. Jean-Marc, ce soir, dans la cabine, à la console, 70-80, ça aurait pu être une guerre. Le Bordeaux 78, aussi. Mehdi, dans la cabine, avec qui je réalise cette émission depuis lundi. La chute d'Aliende, l'achat d'une mobylette, la mort de son chat, le suicide de son chat. Il s'appelait Polo. Jean-Pierre, en direct, dans le studio, à côté de moi ce soir. L'union de la gauche, la photographie, le phénomène Libération, Pinochet, la lune. Des itinéraires, des discours intellectuels, des archives, un bilan subjectif. Épopée à la mémoire d'une décennie. Lundi, le travail de la mémoire. Mardi, le regard, la voix, la rencontre. Mercredi, le poids de l'engagement. Jeudi, le temps des méprises. Vendredi, les vertiges de la décennie. Un chanteur, Jacques Higelin. Des intellectuels, Vincent Descombes, Jacques Rancière. Des militants et des militantes, Christine Fauré, Claudie Broyel. Des critiques, Michel Nuridzani, Jean-Pierre Thibaudat. Et une jeune fille de 18 ans, elle s'appelle Cécile. Depuis 10 ans, il enseigne la philosophie. Depuis 6 ans, il a noté parmi ses élèves d'étranges transformations. Robert Maggiori. En 75, c'était tout à fait différent. C'est-à-dire que là, un cours de philosophie, c'était quand même un ring de catch, puisqu'on avait à ma droite les maoïstes, à ma gauche les trotskistes, au milieu les libéraux, les gaullistes, les communistes, etc., les apolitiques déjà. Et beaucoup de cours donnaient lieu quand même à des empoignades féroces. Ce qui était en lui-même dangereux, parce que beaucoup de ces jeunes gens parlaient, comme on dit, la langue de bois, et parlaient par phrases toutes faites, et parfois c'était très impressionnant de voir les membres d'un même groupe, c'est vrai d'ailleurs pour ceux qui étaient en fac ou pour n'importe quel groupe, qui parlaient tous la même langue, c'est-à-dire citaient tous les mêmes références, avaient même les mêmes expressions, les mêmes tics langagiers, qui étaient assez effrayants de voir à quel point l'individualité peut se détruire derrière l'appartenance comme ça à une idéologie ou à un groupe politique. Aujourd'hui, c'est à mon avis exactement l'inverse. Je crois que plus personne aujourd'hui ne se dit, ne pourrait dire « je fais la politique », ou bien c'est vraiment des cas très très rares. Je me souviens d'une assemblée qui avait eu lieu dans mon lycée après l'attentat de la rue Copernic, où les quelques élèves qui avaient pris l'initiative de l'Assemblée ont prononcé à d'autres reprises le mot politique, dans un sens très très juste, puisqu'ils disaient ce que nous sommes en train de faire. Ils voulaient faire un télégramme à l'Assemblée, je crois, en passant par le maire. Ce que nous faisons donc est politique. Et l'ensemble de l'Assemblée les huait. À chaque fois qu'on prononçait le mot politique, les gens, ouh, comme ça. Ce qui était assez, en même temps, assez, assez effrayant quand même, parce que ça laisse naturellement la place, la dépolitisation laisse naturellement la place à la technocratie. C'est-à-dire, je roule pour vous, ne vous occupez de rien, et puis on vous préparera une jolie société où vous n'aurez plus qu'à vous asseoir. Bon, ça me paraît quand même excessivement dangereux. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on critique la politique politicienne, Et tout à fait d'accord pour qu'on dise que c'est les politiciens qui se sont donnés en spectacle et qui ont fait de la politique un spectacle. D'où la légitimité de la candidature Coluche. Ça, mes élèves et je crois que les jeunes en général le comprennent très très bien. Il y a comme un certain enthousiasme comme ça à suivre quelqu'un qui cette fois-ci se dit comédien, se dit clown et qui fait de la politique puisque les politiciens, eux, font les clowns. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, c'est en discutant avec eux que je le comprends. Je crois qu'il y a quand même un glissement qui est très dangereux. C'est-à-dire que le fait de critiquer la politique politicienne, ça c'est bien, si ça s'arrête là. Or, j'ai pas l'impression que ça s'arrête, puisque dans la même foulée, on critique aussi le politique. C'est-à-dire, en termes précis, on renonce à se poser la question suivante, est-ce que la cité est juste? Est-ce que c'est à moi de la rendre plus juste? Or, on a vraiment balancé le problème avec la critique de la politique politicienne. Or, moi, je pense que le problème de la cité juste, c'est-à-dire le fait de se dire « c'est à moi qu'il incombe de lutter pour qu'elle soit plus juste », or ça, ce problème-là, on l'a jeté également. Et on est passé donc de la critique de la politique au refus du politique. Et je crois que ça, on le sent très très bien, et pour un prof de philo, c'est dur d'admettre ça, puisque la réflexion sur le politique quand même alimente notre réflexion. Or, on peut le constater, je crois que ça, on peut le constater davantage en discutant avec des jeunes de 18-19 ans qu'avec des journalistes du Nouvel Observateur ou du Monde qui sont pris, eux, dans leurs propres références et souvent ignorent que ces références-là ne sont plus du tout celles des jeunes d'aujourd'hui, si j'ose dire. Je vois ceux qui sont devant, et ceux qui sont devant sont très jeunes. Mais je ne vois pas tout le monde. Tout le monde. Je vois beaucoup de gens jeunes. Je vois aussi des gens plus âgés. Mais je ne sais pas, des fois je pose des questions. Des fois c'est quelqu'un qui a amené sa mère, ou son père, qui a réussi à le convaincre, ou je ne sais pas quoi. Ou que... Jacques Higelin. J'aime beaucoup les générations qui arrivent aussi, tu vois. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse toujours, ça, de toute façon. Quand je sens que c'est coincé et tout, je regarde et tout d'un coup, tu ouvres les yeux, tu t'aperçois qu'il y a plein de mecs qui ont tout d'un coup 12, 13, 14 ans, de filles, de garçons, et qui sont plein d'envie et plein de choses. Je trouve ça bien parce que on pourrait dire que tout a l'air noir, qu'il y a la guerre et tout, qui est aux frontières, que tout le monde veut se tuer. Et puis tu as plein de mômes que je retrouve la même enthousiasme pour plein de choses, moi. Qui ont envie de ça, qui ont envie d'autres choses, qui ont envie de bouger, qui parlent, qui discutent, qui ont pas l'air du tout abrutis ni écroulés, tu vois. Qui ont l'air très très remuants. J'en vois pas mal en ce moment, ouais. Alors, je vois leurs copains et tout, c'est bourré de vie, je vois pas du tout en quoi c'est désespérant. Philosophe, devenu maintenant historien, pas d'autre itinéraire intellectuel possible pour lui. L'histoire, dans cette décennie, a joué un tel rôle de légitimation. Jacques Rancière. Je crois que la démarche historique a joué un grand rôle, de légitimation théorique, quoi. Dans un certain désarroi, des certitudes politiques, des certitudes philosophiques... l'histoire est venue imposer un domaine de certitude, généralement un domaine de certitude qu'on peut dire réductrice, quoi. C'est-à-dire que l'histoire est venue dire il y avait vos grands rêves, il y avait l'idéologie, et puis il y a cela en réalité que nous trouvons, que l'archive montre, que l'ordinateur démontre. C'est-à-dire que le discours qu'on tenait comme philosophe il y a 15 ans, celui de la science et de l'idéologie, d'une certaine manière, l'histoire l'a repris à son compte. Ça, je crois que ça a été effectivement un rôle très très important qu'elle a joué. En plus, dans la mesure où l'histoire s'est mise aussi au goût du jour, enfin je veux dire qu'elle Elle a repris certaines techniques du type journalistique, bon, bah, y compris un très haut niveau d'élaboration, ou de type un peu, si on veut, cinématographique, quoi. C'est-à-dire qu'elle a produit aussi, un discours de l'évidence, un discours du « c'est comme ça ». Enfin, je pense à des livres comme Montaillou, si on veut, bon, qui se termine, je crois, un petit peu par une phrase où il y a le mot « être », quoi, par le mot, je ne sais plus très bien, bon, la phrase. Mais disons, il y a une sorte à la fois de critique de l'idéologie et de production de l'évidence, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, la démonstration qu'il y a une réalité matérielle, charnelle de l'histoire, une espèce d'ancrage de toute idéologie dans des territoires, dans une épaisseur matérielle. Et bon, et puis que c'est cela, que cela est l'évidence, quoi. Et puis que bon, tout le reste, le discours révolutionnaire, le discours philosophique, le discours politique, bon, c'est de l'idéologie. Il y a toute une génération de philosophes qui se sont projetés, bon, sur tous les domaines, dans la mesure où la philosophie n'a plus d'histoire propre. Et maintenant, ce qui s'est produit aussi, à mon avis, d'un peu inquiétant dans cette invasion, c'est que la philosophie a produit un petit peu des recettes, des gadgets, des machines dont tout le monde s'est emparé un petit peu dans tous les domaines, enfin, les historiens, les sociologues ou autres. Et bon, là, je crois qu'il y a une espèce de mouvement qui était à l'origine positif pour les philosophes. C'est-à-dire que les philosophes se sont mis, enfin, certains philosophes se sont mis à s'occuper, disons, de la raison, à s'occuper de la pensée dans son mode d'existence matérielle. Bon, il est très net qu'à un certain moment, les historiens ont commencé un petit peu à s'affoler, disons, enfin, certains historiens, devant la démarche de Foucault, ou bien d'autres domaines des sciences humaines. Enfin, bon, il y a un certain nombre de gens, économistes ou sociologues ou autres qui ont été marqués par Deleuze et Guattari, par exemple, ou par Lyotard. Et effectivement, bon, il y a eu une espèce de, comment dire, d'interception, si on veut, de la recherche. Il y avait des modèles qui se sont présentés. Alors bon, ça peut être l'enfermement, la surveillance à la Foucault, ça peut être les machines désirantes à la Deleuze-Guattari, quoi. Bon, je veux dire, et il y a bon, une espèce de captation qui s'est opérée, et bon, effectivement, toute une production, finalement, qui a cherché en grande partie, à rendre leur domaine de recherche, finalement, homologue à ces espèces d'objets théoriques nouveaux. Bon, et là, je crois qu'il y a eu un effet un petit peu de nouveau dogmatisme qui s'est produit. Enfin, je veux dire que la philosophie n'a pas pu sortir d'elle-même sans en même temps, bon, disons, toute une démarche colonialiste, quoi. C'est-à-dire qu'elle a fait de l'assimilation. Un philosophe proche de l'amertume, il continue à enseigner la philosophie, à la méditer et aussi à la critiquer. Vincent Descombes. Il faut peut-être distinguer les modes philosophiques des enseignants eux-mêmes et les modes philosophiques plus généralement, enfin plus sur la scène publique, parce que c'est un peu décalé en France. Par exemple, mettons si on prend le marxisme dans sa forme de ces années-là, la forme des althusséens, c'était plus une mode de professeur. Enfin, ça a été, il y a eu un temps où c'était une mode des professeurs, puis en même temps une mode plus large dans les cercles intellectuels. Et puis après, c'était plus une mode chez les intellectuels, mais c'était toujours une mode des professeurs. Voilà. Alors, je crois que moi, je me suis jamais tellement bien senti, ni dans les modes des enseignants, ni dans celles des gens qui pensent, enfin, qui s'expriment. Je ne sais pas comment il faut les appeler. Enfin, ils s'appellent intellectuels eux-mêmes. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin. Et bon, il y aura d'autres modes, quoi. Mais au fond, les choses qui se sont faites, les choses qui se sont faites et qu'on retiendra peut-être un peu ne doivent pas grand-chose à ces modes. Les modes sont des façons de monnayer, enfin, ce qui existe, c'est pourquoi elle peut changer à tout instant. Hein. Ah ben là, c'est peut-être assez curieux de voir ces modes tels qu'on les a enregistrés en France et tels que, par exemple, elles sont perçues à l'étranger, parce que ça, Parce que quand on va par exemple aux États-Unis, on constate que ils ont des classifications qui ne sont pas les nôtres, qu'on ne connaît pas ici. Par exemple, eux, ils ont. Il y avait avant 70, quoi, c'était l'existentialisme. Après, il y a eu ce qu'ils appellent structuralisme. Alors, ça, nous, on connaît aussi. Et puis après, ils parlent du post-structuralisme. Tandis qu'en France, on ne parle pas du post-structuralisme. Nous, on aurait parlé plus, des philosophies désirantes, des machins comme ça. Mais eux, ils mettent tout ça dans le post-structuralisme. Alors, ça montre bien peut-être que ces modes sont des classifications, quoi, qui répondent à ce que les gens veulent en faire. Alors, à l'étranger, ce qu'on veut faire de ce qui se fait à Paris, c'est des... On veut avoir une idée de Paris globale, quoi. Donc, on crée, par exemple, post-structuralisme. Ça veut rien dire, post-structuralisme, puisque c'est n'importe quoi. Tout ce qui vient après, mais on ne dit pas ce qui vient après, on dit un post-structuralisme. Tandis que sur la scène parisienne, c'est différent. Les gens étant ici veulent. Enfin, la mode, ça sert à se distinguer de ceux qui ne sont pas dans le coup, enfin, de se marquer comme plus avancé que les autres. Et donc, si on écoutait les Parisiens, il y aurait autant d'écoles que de gens qui écrivent. Peut-être même autant d'écoles que de livres écrits par les gens, parce qu'à chaque fois, il faut être plus avancé que son livre d'avant. Enfin, c'est contradictoire. Il ne faut pas qu'on puisse être identifié. Sinon, on est saisi quelque part. Par exemple, on peut vous adresser des critiques. Mais il faut également qu'on soit reconnaissable, parce qu'il s'agit de se distinguer des autres. Alors, il y a un jeu assez subtil qui est propre à Paris, je crois. C'est bon, là, on parle des livres qui ont été lus. Alors, est-ce que les livres qui donc ont été lus et qui ont fait parler d'eux, si je puis dire, est-ce que ces livres n'ont été que comme ça, une sorte de reflet, quoi, de l'époque? Ou est-ce que... Alors, c'est assez difficile à dire, parce que je crois que ce sont, pour la plupart d'entre eux, ce sont des livres qui se sont donnés un peu pour programme, enfin, de donner la parole à ce qui, dans la vie, ne pouvait pas parler dans les formes conventionnelles, dans les formes héritées. C'est pourquoi la plupart de ces livres ont un côté assez travaillé sur le plan de l'écriture, pour parce qu'ils se proposaient de faire parler ce qui ne parlait pas, voilà, d'une certaine façon, que ce soit au sens... dans un sens un peu psychanalytique ou dans d'autres sens aussi. Alors, si on les mesure à leur propre programme, évidemment que ces livres se mettent à... Enfin, leur propre programme philosophique ressemble un peu à un programme qui serait reflété quelque chose, puisque si le livre marche, ça prouve que il a réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il a donné la parole à quelque chose, puisque ça intéresse. Maintenant, si l'essentiel de la philosophie, si la philosophie consiste pas forcément à, comme ça, donner la parole, mais à donner une certaine parole, c'est-à-dire une parole qui serait conceptuellement clarifiée par un travail analytique, alors c'est plus difficile de dire si, au fond... dans quelle mesure ces livres ont travaillé philosophiquement. Et un signe de ça, je crois, c'est le fait que si on prend les travaux de M. X, on a un univers. Si on prend les travaux de M. Y, on a un autre univers. Mais jamais X ne discute Y. Là, il n'y a pas besoin de citer de nom, puisque justement, personne... c'est le cas de tout le monde, n'est-ce pas? On ne cite pas... C'est-à-dire, il ne s'agit pas de citer. On ne discute pas ce que fait l'autre. On le lit, on est intéressé, bon, tout ça, mais on... On ne discute pas. Or, la seule chance de savoir si ce qui est proposé est encore confus ou bien si on a avancé des distinctions décisives, c'est d'entrer dans une discussion. Alors, ça, c'est un trèfle français, enfin, au moins de ces années-là, n'est-ce pas? C'est une espèce de solitude de chaque recherche. Et si des discussions ont lieu, ça n'est jamais entre les grandes têtes d'affiche, ça se passe ça se passe par l'intermédiaire de personnes de seconde zone, quoi. D'ailleurs, tout se passe comme si le signe qu'on était passé de la seconde zone à la première, c'est qu'on on a plus besoin de discuter les autres, n'est-ce pas ? Tant qu'on doit le faire, c'est que on n'est pas encore reconnu. Ça, c'est dans les mœurs françaises. Al Capone's guns don't argue. Thibaudin, vous avez eu le courage de venir en direct ce soir pour venir répondre à une question difficile, le bilan 70-80 pour le théâtre. Allez-vous faire comme Jean-Claire l'a fait pour les arts plastiques mardi, comme Dominique Noguès l'a fait pour le cinéma, à savoir que 70-80, ce n'est pas ça qui existe et qu'il faut remonter à 1968. Je crois qu'effectivement, il faut remonter un petit peu dans tous les domaines à 68, y compris pour le théâtre, ne serait-ce que pour des événements qui sont passés cette année-là, qui se sont répercutés sur la décennie qui est advenue ensuite. Par exemple, au Festival d'Avignon 68, il y avait le Divine Théâtre qui était là, qui était déjà venu en France depuis plusieurs années, et qui a quitté le Festival d'Avignon. Et rétrospectivement, on peut voir un geste un peu symbolique. C'est à la fois la fin du living, puisque après le living s'est plus ou moins dispersé à travers le monde, et c'était aussi la fin de la splendeur d'Avignon. Et ça, c'est quelque chose d'important qui s'est passé à l'époque. Et en même temps, dans la foulée des événements de mai, Roger Planchon à Villeurbanne avait convoqué un petit peu les têtes d'affiche des metteurs en scène, des acteurs de l'époque, et sur un colloque qui a fait pour la première fois, et c'était important à l'époque, une critique des institutions, et essentiellement des théâtres nationaux et des maisons de la culture qui étaient en plein, c'était une période de développement de ce phénomène, avec depuis que Jeanne Laurent et Malraux avaient créé plusieurs maisons de la culture. À l'époque, il y en a d'autres qui sont créées par la suite, et déjà à l'époque il y avait une grosse critique qui était faite de la fossilisation un petit peu de ces établissements, et c'est une critique qui n'a fait que s'accentuer pendant 10 ans jusqu'à aujourd'hui, aboutir une situation de sclérose totale de ces établissements. Et vous souvenir à vous de vos émotions devant des pièces de théâtre ? Il y en a beaucoup. C'est sûr que quand on se dit comme ça, le théâtre depuis 10 ans, on a tout de suite envie de parler de spectacles, et des spectacles qui nous ont bouleversés. Et bon, moi je pense par exemple au spectacle évidemment de Bob Wilson, qui m'ont profondément touché. Je dirais peut-être plus le spectacle qu'il a fait avec Figlas, qui était Einstein on the Beach, plutôt que Le Regard du Sourd, qui était le spectacle qui a marqué profondément le théâtre mondial, et entre autres le théâtre français, qui a été même un événement très très important. Bon, la lettre posthume qu'Aragon écrit à Breton à l'époque. Bon. Mais je crois qu'Einstein on the Beach était un spectacle beaucoup plus important, parce que c'était un spectacle beaucoup plus complet, Il y avait un travail de la danse mené par Andy de Groot, il y avait le travail musical de Finglas, il y avait le travail scénique et pictural visuel de Wilson, et puis dedans il y avait des gens comme Sheryl Sutton, il y avait ou Dan Aretz par exemple, qui sont devenus des performeurs, qui ont suivi des itinéraires personnels comme ça de quelques années plus tard, et c'est un des spectacles, je crois, les plus importants qui a bouleversé pas mal de choses dans le théâtre et dans la tête des théâtres français. Vous l'avez revu plusieurs fois, ce spectacle, comme certains fanatiques. Oui, totalement. Je l'ai vu à sa création en France, c'était au Théâtre municipal d'Avignon. Je ne sais plus l'année du tout. Je crois que c'était il y a 4-5 ans, à peu près. Et je l'ai revu ensuite à Paris. Et c'était très étrange comme atmosphère, parce que le spectacle durait 4-5 heures, les gens rentraient, sortaient. Et moi, je sais être resté à chaque fois complètement envoûté, on peut dire ça, devant un tel spectacle, par tout ce qui se passait sur scène. Et bon, le revoir, c'était aussi une façon de mieux saisir le travail qui était fait, concrètement le travail théâtral, puisque la première vision, c'est un choc, et qu'on décrypte mal, qu'on décrypte progressivement ensuite dans la mémoire. Et quand les gens sortaient, ils n'arrivaient pas à parler, ça je me souviens très bien. Oui, on avait une sorte de silence comme ça, de point d'orgue peut-être. Et qu'est-ce qui vous a marqué ? Il y a eu aussi Ariane Mouchkine dans la décennie. Oui, il y a eu Mouchkine, je dirais plus qu'il y a eu le phénomène cartoucherie, par exemple, comme lieu très important dans le théâtre français. La cartoucherie, qui a été créée à l'initiative d'Ariane Mouchkine après ses premiers spectacles, et je crois que c'était créé dans la foulée avant 89, et dans la foulée de 89, et d'autres troupes sont venues, comme le théâtre de l'Aquarium, par exemple, ou le théâtre de l'Épée de Bois, et par exemple, le Bread and Puppet a donné plusieurs spectacles au théâtre de la Tempête, là-bas. Il y a eu des spectacles importants du théâtre de l'Aquarium, comme la Vieille Lune, comme Akiou, par exemple, et puis il y a effectivement eu des spectacles de Mouchkine, des spectacles de fête, comme on a dit à l'époque, qui était 89-93, et puis l'âge d'or, et puis jusqu'au dernier, qui était Méphisto, qui était une sorte de réflexion un peu critique sur ces 10 dernières années aussi. Enfin, un spectacle double et un spectacle miroir du Théâtre du Soleil s'interrogeant lui-même sur son itinéraire. Ça, c'était aussi, je dirais, c'est plus l'aventure du Soleil que chaque spectacle qui m'intéresse là. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que du temps glorieux, justement, de la troupe Mouchkine, où les spectateurs participaient au spectacle, où ils se mettaient à danser, à se lever, à bouger, comme pendant le spectacle de 89, est-ce que vous ne pensez pas, justement, que ce type de spectacle est complètement terminé maintenant ? Il y a eu ce spectacle-là, il y a eu aussi, il y avait eu Orlando Furioso de Ronconi qui se passait à Baltar, où les gens étaient effectivement bousculés, déplacés par des grands chariots et tout ça. Et Mouchkine s'est en partie d'ailleurs inspiré de ce spectacle dans ses créations. Je crois qu'on est passé à autre chose, on est passé à quelque chose qui est finalement peut-être plus important, plus grave, dans des démarches comme celle de Gruber, je pense, qui a fait en France un spectacle qui pour moi était très important, qui s'appelait Fausse Salpêtrière, qui se passait dans la chapelle de la Salpêtrière. C'était aussi le fait de sortir des théâtres, ça a été important, et où les spectateurs allaient d'une pièce à l'autre comme ça et suivaient les acteurs. Et dans ce spectacle, il y avait trois dramaturges, dont Bernard Potrat et André Engel, qui ensuite sont allés travailler avec Jean-Pierre Vincent à Strasbourg, et là ont créé des spectacles comme Kafka Théâtre Complet, qui est sans doute le plus accompli de leur spectacle, qui, à mon sens, sur le travail mené auprès du spectateur, sur le spectateur, vont beaucoup plus loin que la fête gentille, finalement, qui était 89-93, ou Orlando Furioso. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que l'attitude du spectateur, au cours de cette décennie, Au début, c'était on participe, on applaudit, on bouge, on se lève, on obéit aux injonctions du metteur en scène. Et maintenant, on est beaucoup plus solitaire et on s'ennuie peut-être beaucoup plus au théâtre. Je crois qu'effectivement, on est de plus en plus solitaire. Je crois que les hommes de théâtre sont de plus en plus solitaires aussi. Le spectateur vraisemblablement aussi. On s'ennuie plus au théâtre. Je crois qu'on s'ennuyait ces dernières années au théâtre. Je crois qu'on amorce depuis peu de temps. Enfin, c'est plus intuitif qu'historique ce que je dis là, mais je crois qu'on est à l'orée d'un autre théâtre. Paradoxalement, plus des choses comme la vidéo, comme les magnétoscopes vont se développer, je crois que plus le théâtre va trouver sa juste place, sa véritable place. Il sera de plus en plus réduit à l'essentiel, et ça, on commence à le sentir. Et des démarches comme celle dont je parlais, là, de Gruber ou d'Engel, ou par exemple celle de Cantor aussi, donc il y a eu quand même un spectacle qui s'appelait La classe morte, qui a énormément marqué les hommes de théâtre européens, en tout cas. C'est vraiment un théâtre qui ça rapproche de plus en plus de son essence. Et ça, c'est très important. Et vous allez au théâtre de la même façon en 1980 ? J'y vais de toute façon professionnellement, ce qui est... Combien de pièces depuis 10 ans ? J'étais pas critique de théâtre à Libération il y a 10 ans, puisque la Libération n'existait pas, hélas. Donc j'allais très peu... J'aimais bien le théâtre, donc j'y allais de temps en temps, mais j'allais très peu, je sais pas, peut-être deux fois par mois, quelque chose comme ça. Et maintenant ? Ça dépend les semaines, 5-6 fois, ou 3 fois, ou pas du tout. Votre prochain spectacle, c'est quand ? Le prochain spectacle que j'ai envie de voir, en tout cas, c'est le spectacle que monte Régie à Nanterre, c'est une pièce de Otto Strauss. Le titre de la pièce, c'est la trilogie de l'au revoir, je crois. Chronique littéraire maintenant, Michel Nuridzani, chronique de l'optimisme, chronique de l'innocence aussi, car Michel Nuridzani m'a avoué n'avoir jamais écouté les nuits magnétiques, m'a avoué ne rien savoir sur les nuits magnétiques, et pourtant les noms qu'il a cités, les noms marquants de cette dernière décennie, ont une étrange consonance, Michel Nuridzani. Je ne suis pas du tout pessimiste, je trouve que la littérature... il y a de très bonnes choses. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait des gens comme Gracq, comme Julien Green, comme Cioran, comme Beckett, comme Jean Grenier qui continuent à écrire, et tous les jeunes écrivains dont on va parler plus tard. Je trouve ça quand même, je ne vais pas dire rassurant, ce n'est pas un mot que j'aime et que je trouve très intéressant, mais il y a quand même une création qui existe. Alors, il y a des problèmes qui existent, je parlais des problèmes de diffusion, il y a des problèmes de traduction, c'est-à-dire de diffusion à l'étranger, qui sont assez préoccupants, mais en ce qui concerne la création, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Simplement, effectivement, il faut pas dire « Ah, c'est merveilleux, ça se passe très bien », il faut rester vigilant. Simplement, on peut dire que dans les années 70 et 80, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. J'espère qu'il se passera encore beaucoup de choses. Quand on voit que des écrivains comme Binget, et qui a une soixantaine d'années, je crois, vient d'écrire probablement son meilleur livre qui s'appelle L'Apocryphe, aux éditions de Minuit comme par hasard, que Lindon m'a dit qu'il venait de lire le dernier Claude Simon qui est un chef-d'œuvre. Je trouve ça non pas rassurant mais encourageant. Alors Montel, ça a été le principal animateur de change, et notamment en ce qui concerne un important numéro qui est comme une espèce de manifeste, si on veut, sur la narration nouvelle. Montel est un écrivain qui, à mon avis, n'est pas du tout assez connu, car c'est un des plus importants qui est apparu au cours de la décennie. Frottage, c'est sa dernière œuvre. Frottage, c'est le livre des restes. Restes d'une narration impossible, où l'identité se parcellarise, est menacée, vacille, est menacée d'éclatement. Le livre est fondé sur l'ébauche. Une ébauche dont il annonçait justement dans ce numéro sur la narration nouvelle la nécessaire irruption pour permettre à la narration d'échapper à l'ensemble achevé et désormais sans surprise des lois et conventions qui gouvernent l'écriture de prose. Parmi les autres jeunes écrivains qui sont apparus aussi, il y a Emmanuel Occard qui publie chez Paul Hachette et essentiellement son dernier livre qui est un livre très très étonnant, très difficile. Il est très difficile d'en parler, c'est assez énigmatique, c'est fait de presque rien et c'est superbe. Ça s'appelle Une journée dans le Détroit. C'est un livre absolument admirable qui est paru en 80. Il y a quelqu'un dont il faut parler aussi, c'est Daniel Colobert, qui est une jeune femme qui s'est suicidée il y a assez peu de temps. Qui est un écrivain qui a, à mon avis, très très important aussi, qui a écrit « Dire » 1 et 2 en 72 et « Il » donc en 76 chez Change. Il y a Rossi aussi qui a publié très récemment « Le Potlatch » chez Paul Hachette. Daniel Salnave chez Paul Hachette également, qui a publié « Les Portes de Goubiot » en 80 et qui a eu le prix Renaudot. Pardon ? Qui a été récompensé, je trouve que c'est très très bien. Je trouve plus étonnant qu'on ait dit que c'est un livre difficile, parce que alors là, vraiment, si ce livre-là est difficile, alors vraiment, qu'est-ce qu'on pense de la littérature ? Qu'est-ce qu'on pense que doit apporter la littérature ? Je trouve que c'est un livre intelligent, et ben, évidemment, c'est pas un livre divertissant, c'est un livre... mais c'est pas un livre difficile. Il y a des livres qui sont difficiles, sous le Mallarmé, mais pas celui-là. Je suis étonné. J'étais ravi qu'on l'ait récompensé, mais je suis étonné qu'on l'ait affublé de ce qualificatif. Savitskaya, qui est le plus jeune. Savitskaya, c'est une espèce... Il faut voir sa photo. C'est une espèce d'ange blessé, comme ça. Il a 25 ans. Et à mon avis... Enfin, il a déjà écrit pas mal de livres. Et à mon avis, c'est déjà un très grand écrivain. La réalité de Savitskaya, c'est une réalité à la fois douce et terrible. Son univers mêle la pourriture et les fleurs. C'est tendre et déchirant comme l'innocence hurlant dans la nuit noire. Il a écrit Mongolie pleine salle. D'abord, ces titres sont très beaux. Mongolie pleine salle chez Segers. Il a publié Mentir aux éditions de Minuit en 77, La traversée de l'Afrique chez Minuit aussi en 79, et Couleur de boucherie chez Christian Brocois en 80. Tous ces livres sont admirables, il faut les lire tous. C'est un très très grand écrivain et on espère qu'étant donné qu'il a 25 ans, il ira encore beaucoup plus loin et c'est déjà admirable. Alors La Porte vient de chez Flammarion et passée avec Paulo Tchaïkovski-Laurence donc chez Hachette. La Porte, pour moi, c'est peut-être le plus grand écrivain de ces 10 dernières années. Alors dans Fugue, il s'agissait par exemple de mettre au jour et de manifester dans le temps même de l'écriture la genèse de la création, et dans Suite, ça, qui va plus loin, qui est peut-être son plus grand livre, qui est paru en 79. Il s'agit non pas d'écrire sur l'écriture, mais d'écrire l'écriture elle-même. Ce qui n'est pas la réfléchir déjà existante, mais l'inventer encore inconnue, comme disait Lacoula Barthes, qui a, à mon avis, écrit un très très beau texte sur lui, qu'il connaît bien d'ailleurs. Voilà, il y a aussi d'autres écrivains qui se sont... des écrivains confirmés qui nous ont donné peut-être leurs meilleures œuvres, qui avaient déjà une œuvre importante derrière eux et qui nous ont donné leurs meilleures œuvres dans les années 70. C'est Claude Ollier avec Marrakech Médine, donc Pinget avec l'Apocryphe dont j'ai déjà parlé, Tony Duvert aussi, qui est un écrivain, à mon avis, dont on a assez mal parlé récemment avec son dernier livre, mais à mon avis, de toute façon, son plus grand livre, c'est Paysages de fantaisie, qui est paru en 73 aux éditions de Minuit encore. Il y a La Porte, donc, et Claude Simon. Il y a aussi deux écrivains qui me paraissent assez en dehors, qui sont Alain Moreau, qui est un écrivain qui est tout à fait, vraiment, on peut dire marginal, qui a totalement son monde, qui est une espèce de... Ça éructe, ça... C'est un peu... Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, c'est dans la suite de Céline, le titre Bannière de Bave me paraît assez bien, qui est un des titres d'un de ses romans, me paraît assez bien caractériser son monde. C'est quelqu'un d'assez étonnant. Et il y a aussi quelqu'un qui me paraît aussi assez en dehors, c'est Charles Juliet qui a publié son journal chez Paul Tchaikovsky-Lawrence. Et qui a écrit un des textes les plus admirables sur la peinture, sur Bram Van Velde, et qui, à mon avis, est du niveau du Van Gogh d'Artaud. C'est un texte vraiment d'une brûlant, enfin, c'est extraordinaire. Alors, là, on a parlé de grande littérature. Il n'y a pas que la grande littérature qui existe. Il y a aussi une autre littérature qui, à mon avis, a beaucoup évolué dans ces années-là. On peut peut-être... dans l'immédiat après 68, c'est la littérature de science-fiction. Alors, qui a connu en France une très, très grande effervescence, justement dans les années 70, après l'Amérique, après surtout l'Angleterre. Mais la science-fiction française, dont on sourit, enfin on pense que la science-fiction est uniquement américaine, mais de toute façon elle n'est pas uniquement américaine, il y a une science-fiction soviétique qui existe, il y a une science-fiction roumaine, une science-fiction polonaise avec Stanislas Lem, qui est peut-être le plus grand écrivain de science-fiction vivant, et il y a surtout une littérature de science-fiction anglaise. Et donc, après 68, il y a eu l'éclosion d'une science-fiction française tout à fait remarquable, surtout autour de Bernard Blanc. Mais bon, ça n'a pas très très bien marché. Enfin, on peut dire que depuis 3-4 ans, ça s'écroule un petit peu de nouveau. Mais enfin, il y a des choses qui sont restées, et notamment deux écrivains qui me paraissent les plus étonnants dans ce domaine, qui sont Daniel Walter, qui a écrit un roman excellent qui s'appelle Kriznak, aux éditions de Noël, qui a très très bien évolué récemment avec Elisabeth Gilles, qui dirige la collection maintenant, et Jean-Pierre Hubert, qui édite chez Kesselring. Ça me paraît être les deux écrivains les plus importants apparus récemment. Il ne faut pas oublier l'importance aussi de la collection Ailleurs et Demain, dirigée par Gérard Klein, et l'importance de Michel Jury, qui a déterminé un changement dans cette littérature de science-fiction française. Mais, à mon avis, les deux écrivains les plus originaux et les plus intéressants demeurent Daniel Walter et Jean-Pierre Hubert. De même que la poésie, que je connais assez mal aussi, il est évident qu'il y a eu un grand renouveau dans ce domaine. Bon, bien que je connaisse assez mal, je peux citer comme quelques noms. Jean-Pierre Faye, je crois, avec Vert, qui me paraît une très belle chose. Alain Weinstein... Vers l'absence de soutien, qui est un très très beau livre, je trouve, qui est paru chez Gallimard en 78. Jean Frémont, Discours de la fatigue, en 72 chez Fata Morgana. Sans compter Foi des lettres, qui fait un peu figure de marginal aussi, qui a une revue qui s'appelle La Délirante, qu'il fait tout seul, qui publie peut-être 3 livres par an, 2, 3 livres, 4 livres par an, et qui a publié Singe, qui a publié de très très bonnes traductions de Singe, qui a publié un des meilleurs livres de poèmes de Trakl, très très bien traduit aussi, qui publie ses poèmes, qui sont des beaux poèmes aussi. Et voilà. Poésie donc, deux auteurs confirmés. Théâtre, Jean-Pierre Thibaudat, en ce qui concerne les revues de théâtre et la littérature de théâtre, il y avait eu la collection chez Stock, Théâtre ouvert, de Lucien Atoun. Il y a une nouvelle collection qui vient d'être inaugurée avec un de vos textes chez Jean-Pierre Lattès. Est-ce que les collections de théâtre se portent bien dans le monde de l'édition ? Elles se portaient très mal. C'était effectivement, il y avait quasiment que la collection que dirige Lucien Atoun chez Stock, qui s'appelle Théâtre ouvert, qui continue d'ailleurs. Autrement, il y avait Gallimard qui continue à publier de moins en moins, qui publie irrégulièrement apparemment des textes. En tout cas, je ne crois pas autant que Lucien Atoun voudrait en publier. Et sinon, Gallimard, de temps en temps, publie quelques textes de théâtre, mais c'est vrai que ces dernières années, il était quasiment difficile, hormis la collection d'Atoun, de publier des textes de théâtre. Et là, le fait que des éditeurs, grâce à des aides, des subventions d'État aussi, parce que je crois que seul, ils ne l'auraient pas fait. Vous voulez dire que Jean-Claude Lattès a des subventions pour publier des textes de théâtre ? C'est ça. Je crois qu'il y a des... Je ne sais pas exactement précisément les termes du contrat, mais je crois que le ministère des Affaires culturelles achète un certain nombre de... C'est une sorte de coproduction entre Lattès et le ministère, comme ça va être le cas dans d'autres maisons d'édition. Je crois que Michel va faire la même chose et sans doute d'autres, qui de façon à favoriser un petit peu la publication de textes de théâtre, exactement comme le Centre national des lettres subventionnait jusqu'à ces derniers temps des revues de littérature ou pas de littérature. Et sur le plan des revues de théâtre, c'est sur le plan des revues de théâtre, c'est très maigre. En tout cas, en France, il y a une revue de théâtre qui s'appelait Travail théâtral, qui était trimestrielle et qui est à peu près moribonde. Et il y a la revue du théâtre de Gennevilliers qui s'appelle Théâtre public. Et puis qui publie, je crois que ça paraît tous les deux mois tous les deux mois. Beaucoup de textes, très peu de photos, ce qui peut paraître étonnant pour le théâtre, et des textes parfois très intéressants, parfois très bavards, parfois pas du tout intéressants, et puis en tout cas très limités pour les deux revues. D'ailleurs, les deux revues de théâtre, Travail théâtral ou Théâtre public, c'est des revues avec pas mal de hier, finalement, sur le théâtre européen, et on parle très peu du théâtre américain, par exemple, dans ces revues-là, ce qui est quand même été un phénomène majeur de ces 10 dernières années dans le monde et avec une sérieuse influence en France, même s'il n'est pas toujours avoué. Sinon, c'est tout. Enfin, en Belgique, il y a une revue qui existe depuis quelques temps qui s'appelle Alternative. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autres revues. Il n'y a pas d'équivalent comme aux États-Unis ou en Allemagne, où il y a des revues de théâtre très, très très belles, très bien illustrées, avec des textes importants et qui se portent assez bien. Donc bilan plutôt négatif. Plutôt négatif, oui. Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Come running, I'm running down. motorcycle, mama, won't you lay your pants right down? Motorcycle, mama, won't you lay Une trentaine de personnes rencontrées tout au long de cette émission pour ces fragments de souvenirs de cette dernière décennie. Il y eut des intellectuels, des militants, des ex-militants, des militants devenus intellectuels. Et il y eut Robert Maggiori, qu'on a entendu tout au long de cette semaine, Claudie Broyel, qu'on a entendu aussi depuis lundi, Robert Maggiori, Christine Fauré aussi, militante du MLF depuis le début, c'est-à-dire les années 70. Et s'il était facile pour elle de raconter ce que furent les années 70, cette espèce de joie et de formidable explosion, eh bien c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus amer de tirer un bilan 10 ans après, Christine Fauré. C'est très difficile de faire un bilan du mouvement, ce que ça a été pour moi. Mais ce que je peux dire d'abord, c'est les années entre 20 et 30 ans. Alors c'est des années absolument denses, surchargées, surchauffées d'énergie, interpellées de toutes parts. Il y a quand même eu la découverte, une espèce de sororité. Alors c'est peut-être un mot sororité qui n'est pas à toute épreuve. Je ne veux pas en faire une chose idéologique, la sororité. Mais en même temps, c'est vrai que on était en groupe de femmes, on était bien entre nous, que ça fonctionnait bien, qu'il y avait une espèce de joie qui existe toujours de temps en temps. Je veux dire, je trouve que l'époque est moins rieuse, mais Ce que ça a été pour moi, c'est essentiellement la découverte qu'on avait des choses à se dire, qui n'étaient pas des choses toujours dramatiques. On sait qu'il n'y avait pas une idée de la femme. C'était surtout ça, c'était la découverte d'affirmer toutes nos différences aussi individuelles. Pas uniquement nos différences hommes-femmes, mais nos différences individuelles. Pas par rapport à un schéma homme-femme, mais nos différences individuelles. C'est-à-dire que d'être bien, quoi, d'être bien dans notre peau. C'était essentiellement ça. Et c'était quand même, ça vaut le coup d'être vécu. Et maintenant ? Ben maintenant, d'abord, les groupes qui ont existé. Moi, j'ai toujours les filles que j'ai connues dans les années 70 à travers ces épreuves-là, enfin, ces événements-là et ces épreuves, il y a eu des choses aussi. Ces mouvements-là, je les connais toujours. Je veux dire, ce sont mes amis. Hein? Bon, alors en même temps, on est dans un contexte où on a l'impression qu'on est répété. Enfin, je veux dire, les groupes sont. Je veux dire, maintenant, il y a des journaux. Comme F Magazine, il y a des journaux. Enfin, je veux dire, à l'époque, on était trois pelés dans un coin à faire nos petits trucs. Je veux dire, il y a une dimension qui nous échappe tellement que, bon, c'est autre chose. C'est complètement, il y a une autre dimension. Bon, il y a une autre dimension. Ceci dit, au niveau affectif, c'est vrai que ça a solidifié. Il y a toute une couche comme ça historique qui s'est constituée. Alors, bon, je sais pas, je peux pas faire des prédictions sur l'avenir des mouvements des femmes internationales. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'étend, que c'est une conscience. Il y a des choses qui sont devenues, qu'on a dit au début, qui étaient des transgressions extraordinaires, qui sont devenues des banalités. Qu'on ait cherché un certain nombre de modes de vie alternatifs, comme on disait à l'époque, je crois que ça a été quand même très profitable. Il ne faut pas tout jeter. C'est par cette réflexion multiple et multiforme qu'on a fait émerger le personnel, en disant que le personnel était politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, on dit exactement l'inverse. Hein, le politique, ce n'est plus que le personnel. Or, le fait qu'on ait eu, précisément parce qu'en 68, on avait une vingtaine d'années et que donc ça a correspondu à l'époque où on était en âge ensuite de faire des enfants et de vivre avec un autre, ben, je crois que c'est grâce à cette réflexion qu'on a pu quand même poser des problèmes. Mais on avait rejeté un certain nombre, là encore c'est le retour du refoulé, qu'on avait rejeté un certain nombre d'idées, une à laquelle je tiens particulièrement, qui est celle de fidélité par exemple. On s'était dit que peut-être c'était une forme aussi, bon, peut-être de lâcheté, je ne sais pas. Je crois qu'il est beaucoup plus facile de vivre avec plusieurs que de vivre avec quelqu'un tout seul. Or, la difficulté existentielle, aujourd'hui, on l'affronte vraiment de front, si j'ose dire. Et vivre avec quelqu'un uniquement et savoir ce que ça représente, cette vie avec quelqu'un, en sachant que l'exploration des rapports entre deux personnes est une exploration infinie et bien plus complexe que celle que l'exploration de rapports avec plusieurs. Alors je crois que ça, c'est réactionnaire de dire ça. Je veux dire, mais en même temps, je ne crois pas que l'amour, par exemple, soit réactionnaire. Aujourd'hui, on parle très bien de l'amour, enfin, non. Mais on peut quand même remarquer qu'on parle avec beaucoup plus de facilité de la sexualité que de l'amour. Sentiment qui fait encore rougir, ou mot même, qui fait encore rougir certains de mes élèves, par exemple, qui sont très à l'aise pour parler de la masturbation ou des techniques prophylactiques, enfin de tout ce que tu veux, mais de l'amour, là, c'est déjà un petit peu plus difficile. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est assez mûr pour affronter précisément ces questions-là et ne plus avoir peur d'être réactionnaire parce qu'on parle de l'amour. Je crois que l'amour, en fait, il est révolutionnaire tout le temps. C'est-à-dire le fait même que deux personnes s'unissent et un genre de vie fondé précisément sur le don et sur l'échange et sur la réciprocité, c'est en soi révolutionnaire puisque c'est contradictoire avec l'ensemble des autres valeurs qui sont dominantes dans la société. Ou précisément ceux qui existent dans un couple n'existent nulle part. C'est-à-dire où voulez-vous trouver le don, c'est-à-dire un échange qui n'est pas marchand, un échange qui est de la gratuité pure, de l'oblativité pure. Où voulez-vous le trouver, sinon précisément dans cette relation amoureuse? D'autant plus que lorsque deux êtres s'aiment, je crois, et ils s'aiment, ils s'aiment simplement ce mot-là, sans explication, ils ne pensent pas à savoir si c'est révolutionnaire ou pas révolutionnaire. Je crois qu'ils s'aiment d'abord, et c'est cet acte-là qui les pose déjà dans quelque chose d'antagonique par rapport aux valeurs dominantes. Et je crois que ça c'est un acquis vraiment de toutes les discussions qui portaient effectivement d'abord sur la sexualité parce qu'il fallait faire émerger ce qui avait été étouffé, et ça, je crois que c'était bien, c'est ça, on pourrait repérer tous les mouvements, tous les gestes, tous les actes qui ont permis précisément qu'on parle publiquement d'un certain nombre de problèmes. Mais c'est grâce à cette réflexion, je crois qu'aujourd'hui on peut effectivement aborder des problèmes qui à mon avis sont plus difficiles, c'est-à-dire ceux de l'amour et ceux de l'échange et ceux du rapport à ses enfants, du rapport à la paternité. Là évidemment il faudrait parler quand même du mouvement des femmes. Je crois que c'est par les femmes que ce discours est devenu pas dominant, est devenu, comment dirais-je, c'est proposé à nous, c'est ouvert à nous qui étions fermés auparavant. Ça c'est un acquis tout à fait indéniable. Dangereux jeu du bilan, surtout en direct, Jean-Pierre Thibaudat. Ces 10 dernières années, c'était quoi pour vous? Je crois que ce que vient de dire ma jury, c'est très bien, c'est tout à fait important. Je crois qu'il y a à la fois des choses comme ça, un croisement de données très très personnelles et puis de données beaucoup plus collectives, beaucoup plus sociales ou politiques, et c'est effectivement un peu tout ça. Je veux dire que moi, en 68, j'étais comme beaucoup dans un mouvement gauchiste, et puis ensuite, il y a une sorte de, comment dire, de faillite, de, d'errance, de à quoi bon, de je ne sais pas, de qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire, bon, un peu tout ça. Moi, je sais que personnellement, je suis parti pendant 2 ans en Égypte, vivre à Louxor, quasiment dans un village égyptien pendant 2 ans, ce qui donne tout d'un coup une autre vision de la réalité, une beaucoup plus juste mesure des choses, et donne au quotidien, comme ça, sa valeur profonde, et permet d'éliminer un petit peu tout le vernis qu'on a quand on est plongé comme ça tous les jours dans la radio, dans les journaux, dans les copains, dans toutes les nouvelles. Et ça permet d'aller beaucoup plus facilement à l'essentiel et d'accepter les choses d'une façon beaucoup plus évidente peut-être qu'avant. Enfin, moi, je sais que, par exemple, personnellement, j'ai vécu une aventure qui était très, très importante pour moi. J'ai vécu avec 2 autres personnes. On était 3. Bon, Maljory parlait de couple. Là, c'était un couple à 3. Bon, c'est une chose qui s'est fait complètement naturellement et jamais ça a été pensé, mettons, d'une façon théorique préalablement, en disant est-ce qu'on fait une communauté. Bon, c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas ce discours-là. C'était hors discours. Et c'était quelque chose de très évident, une relation d'amour, et effectivement, qui s'est faite comme ça. Et ça, c'est très important parce que je crois qu'on a. On a gagné beaucoup de temps comme ça à perdre beaucoup d'écrans pour nous, bon, qui sont souvent des écrans théoriques comme ça, puisqu'on dans les milieux intellectuels, plus ou moins, c'est toujours un peu ça. Il y a quand même des systèmes de grilles qu'on avait, bon, qui, je crois que ces 10 dernières années, ça a permis un peu l'éclatement de tout ça. Et ça a été très important. Bon, et sur le plan du théâtre, c'est un peu la même chose. En littérature, c'est un peu la même chose. Moi, je me souviens que la première fois, quand j'ai lu un livre de Solers à l'époque, bon, j'y pense parce qu'il sort en ce moment en Paradis, et qui s'appelait Drame, et qui était en gros le premier livre de la démarche qu'il conduit à écrire actuellement en Paradis, j'ai lu ça d'une façon complètement évidente. J'ai trouvé ce livre très beau et je ne me suis pas posé des questions préalable à la lecture de ce livre. De même, quand j'ai été voir un spectacle comme le Faust de Vitesse dans une petite salle d'école à Ivry, ça devait être, je sais pas, dans les années 72, par là, je sais pas, je me souviens pas exactement. Bon, j'ai reçu ce spectacle comme ça, d'une façon très très évidente, très très forte. J'en ai un souvenir très grand. Et en même temps, je sais qu'à l'époque, il y avait tout un discours, bon, sans aller jusqu'à parler du discours débile de Jean-Jacques Gauthier dans le Figaro, mais même dans d'autres journaux, il y avait des discours sur ce spectacle, comme il y avait des articles sur des livres, comme il y avait des articles sur les communautés qui comme ça donnait un certain nombre de préalables ou de grilles théoriques ou pas théoriques ou de conduite sociale. Et bon, finalement, tout ça a été complètement balayé, je crois. Et ça, c'est important. Et que regrettez-vous le plus de ces 10 dernières années? Je crois que je regrette rien du tout. Enfin. Claudie Broyel, en 1970, entre en usine. Elle s'établit, comme on disait alors. Elle y reste 3 ans. Puis ensuite, toujours dans la mouvance maoïste, part en Chine, revient en France, perte de croyance dans le maoïsme, repart en Chine, ensuite écrit des livres, se rend compte de ses désillusions idéologiques et politiques. Et maintenant, en 1980, elle a été extrêmement gênée quand on lui a demandé ce qui, pour elle, vraiment avait changé. En quoi j'ai le plus profondément changé? Oh, c'est vraiment difficile, ça, de dire. Il me semble, bon, j'ai changé dans tout ce que j'ai dit. En quoi je sais pas répondre. Je sais pas répondre, parce qu'il me semble que je suis toujours je suis toujours mobilisée. J'ai un peu cette impression qui est peut-être un fait de génération. Peut-être qu'on est toujours comme ça, un peu des militants mobilisés. Je ne crois pas que ça va changer, ça. Alors, bien sûr, en quoi j'ai changé, moi ? Vous me posez la question, en quoi j'ai changé, pas ce qui a changé. J'ai vieilli. Je sais pas, par exemple, moi, ce que je sais beaucoup plus maintenant qu'avant, c'est toutes les choses que je ne peux pas faire. Et ça, j'en suis beaucoup plus consciente qu'avant. J'avais une espèce de volontarisme. Là, c'est peut-être très personnel, ça vaut peut-être pas la peine de le laisser sur la bande. Mais moi, je crois que j'étais comme ça, quelqu'un de très, qui croyait pouvoir soulever les montagnes. Et que maintenant, j'ai très conscience que je vais me casser la figure. Ça me paraît très évident. Et par exemple, je me sens très démunie dans l'éducation de mes enfants. Enfin, c'est des choses très personnelles, mais c'est vrai que je me sens complètement démunie. J'ai l'impression de pas être armée du tout pour pouvoir bien aider mes enfants. En particulier, j'ai une fille qui a 17 ans, qui est quand même une femme. Je ne sais pas très bien comment... Il me semblait que j'avais moins de problèmes avant, que les choses étaient beaucoup plus simples, qu'elles étaient beaucoup plus... Enfin, vous l'enlèverez, vous le rirez, hein. Que c'était beaucoup plus clair qu'une fois pour toutes, un peu comme quand on a une éducation chrétienne, on sait comment élever ses enfants. Ben, moi, je savais, avec l'idéologie prolétarienne, comment élever mes enfants. Je me rappelle que quand mes filles étaient petites, enfin, quand la grande était petite... Elle avait, je sais pas comment je l'avais expliqué les choses, c'était pendant le militantisme, les comités de base pour le Vietnam, je sais pas comment je l'avais expliqué les choses, je m'en souviens plus, mais c'était devenu vietnamien, était devenu pour elle tellement synonyme de ce qui est bien et de ce qui est joli, c'est qu'elle disait, quand elle allait chez sa grand-mère, elle disait des gâteaux qui étaient bons, ils étaient vietnamiens, les robes qui étaient jolies, c'était des vietnamiennes, parce que ça voulait tout simplement dire positif, c'était une journée vietnamienne, ça veut dire une bonne journée. Il faut dire aussi que cet itinéraire que j'ai aussi fait avec mes enfants. Et que, par exemple, ma fille aînée, elle est allée en Albanie avec moi, elle est allée en Chine avec moi, la petite aussi, elles ont appris le chinois. Elles sont aussi... Je suis pas simplement une ancienne militante, j'ai aussi des enfants d'anciens militants. Et ça, ils vous le renvoient à la figure sans aucune pitié. In a white suburban bedroom, in a white suburban town. As she lay there, neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange, and the room went spinning round. At the age of 37, realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. Off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She let the phone keep ringing. 9e à peu près, ou en 8e, alors oui, je me souviens assez bien. C'était un peu ennuyeux à cette époque-là. C'était bien avant et après, mais cette époque-là, c'était pas très bien. Cécile, 18 ans. Je crois que quand j'avais 14 ou 15 ans, j'avais beaucoup plus d'espoir que maintenant. Oh. Ah si, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était encore l'époque où je croyais qu'on pouvait changer quelque chose, etc. Les grandes idées idéalistes... Utopique, on va pouvoir tout changer, il faut savoir se battre, etc. Maintenant, je suis plus pessimiste. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien changer? Non, c'est pas ça, mais en tout cas, moi. Et qu'est-ce que vous aviez envie de changer à 14-15 ans? Oh, je crois tout. Il fallait se battre pour l'écologie, pour le féminisme, pour la paix dans le monde, pour les choses comme ça. C'était simplement une nouvelle façon de vivre, quelque chose de plus humain. Enfin, c'est ce que ça représentait pour moi à cette époque-là. De moins matérialiste, de moins... Enfin, j'ai commencé à beaucoup m'y intéresser à cet âge-là parce que bon, ma mère était très féministe, il y avait des amis autour d'elle qui l'étaient très aussi. Donc j'en parlais beaucoup à l'école, avec les amis, etc. Et puis, je prenais la mouche pour n'importe quoi. Je hurlais tout le temps sur ce sujet-là. Et maintenant, disons que ça a changé. C'est pas que je sois moins féministe, mais j'ai compris que les gens, de toute façon, changeaient pas. Disons que j'y avais jamais réfléchi, alors qu'à partir de cet âge-là, j'y ai vraiment réfléchi. Il y a des choses que j'accepterais pas, que j'ai vu ma mère accepter, que j'accepterais jamais. Par exemple? La façon dont elle s'écrasait toujours devant mon père, par exemple. Chose que je ferais pas. Enfin, moi, je la trouve mieux maintenant qu'avant. Et votre père? Il n'a pas très bien accepté ça. Mais bon, maintenant, ça s'arrange, mais il a mis quelques années. Mais ça a changé parce que ma mère et moi, on a changé à peu près à ce moment-là. Et au lycée, comment ça se passe? Comment ça se passait? Ouais. Ça bougeait pas non plus beaucoup à l'époque. Ouais, oui. Enfin, c'était une époque où... Enfin, j'ai l'impression que les gens commençaient à chercher autre chose que les... que ce qu'on avait hérité de mai 68. Ça commençait à... C'était assez ballotté. Et on avait assez de toutes les idées de mai 68 qui nous restaient dessus. Et on savait pas encore très bien où aller. Voilà. Puis après, les gens à peu près trouvés. Et ça vous apparaissait comment, mai 68? Des souvenirs de vieux militants un peu racis? Ça dépend vers quel âge. Jusqu'à vers 13 ans à peu près. Au contraire, c'était tout à fait... J'étais complètement imprégnée de ces idées-là. Et puis, petit à petit, on a eu assez. Et puis, à ce moment-là, oui, c'est devenu des souvenirs de vieux militants. Mais bon, il y a des choses qui sont restées, de toute façon. Quoi? Je sais pas. Par exemple, il y a des choses qui ont changé, je suis sûre, dans l'organisation du lycée, de la fac, etc. Des rapports entre les élèves et les professeurs. Des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que plus ça allait, plus en fait, on s'en foutait. Et surtout, plus on avance en classe, plus de toute façon on ne pense plus qu'aux examens et les grands problèmes, etc. C'est pour après. Enfin, je sais pas si ça vient de ça ou si ça vient du fait que qu'on avait assez de ces façons-là d'agir. Cherchait autre chose, d'autres moyens d'action, et puis. Quand j'entends mes parents parler de l'époque de Saint-Germain-des-Prés, on va tout changer, c'est la belle vie, de toute façon c'est formidable, etc. Je crois qu'on est revenu de ça. Mais faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. De toute façon, on peut rien changer, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et puis, c'est vrai qu'il faut savoir se battre, mais faut pas être aussi, pas de façon aussi utopique qu'autrefois. Enfin, qu'autrefois. Et t'as l'impression que ça va plutôt bien, là, en ce moment? Pour qui? Pourquoi? Pour toi, pour les autres, pour les choses de, comme ça, en général? Non, je pense pas que ça aille très bien. Pour tes amis, pour... Non, on peut pas dire que ça aille très bien, c'est pas possible, parce que tout... De toute façon, je pense que ça va jamais très bien. Hein. Il y a toujours des problèmes qui se posent partout, tout le temps. Mais... Disons qu'en ce moment, je trouve que... Je sais pas comment exprimer ça. Il y a plus de grands courants comme avant. J'ai l'impression que tout le monde, tous les gens se cherchent. C'est plus... Peut-être parce que justement, plus de liberté, etc. et que c'est pas très bien quoi en faire. Enfin, je trouve que c'est assez paradoxal. Je crois qu'on fait effectivement plus attention aux autres, mais qu'on est en même temps plus égoïste. Est-ce que t'as l'impression que les années 80 vont plutôt bien se passer ? Ça dépend des jours. En fait, c'est vrai. Des fois, j'ai l'impression que ça va mal se passer parce que on pense toujours qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale ou quelque chose comme ça qui va se passer. Bon. Et de temps en temps, je me dis, après tout, c'est peut-être de la parano, si on peut dire ça. Parmi toutes les choses que nous avons oubliées pour cette épopée à la mémoire d'une décennie, il y a le rock, Jean-Pierre Thibaudard. Alors vous avez droit à une minute. Oui, ben je crois qu'il faudrait plein de minutes pour parler du rock, mais je crois qu'effectivement ça a été quelque chose de très important, le rock, ces 10 dernières années. Et puis pour dire qu'un nom, on peut dire celui de Johnny Rotten, et à travers lui, c'est je sais pas, le rock dans ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus blessé, de plus lézardé, je crois que c'est quelque chose qu'on sent énormément maintenant, des gens fêlés comme ça, comme les Johnny Rotten. Moi, je sais pas, je garde un très grand souvenir d'un concert qui était d'ailleurs un fiasco, qu'il avait donné au Stadium il y a 3 ans, dans une lumière jaune blafarde. Et je crois qu'un peu dans tous les domaines, en tout cas nous, à Libération, dans les gens qui travaillent à Variété, dans les trucs culturels, c'est un petit peu ça auquel on accroche en ce moment, auquel on est sensible. Dans le théâtre, c'est un peu la même chose. C'est des gens, tout d'un coup, qui se mettent en vrille, comme ça, par rapport à la réalité. Et la musique, c'est un peu ça aussi. Et effectivement, dès que les choses deviennent des institutions, comme Bob Marley, par exemple, maintenant, ça nous intéresse beaucoup moins. Et des gens qui restent comme ça sur la brèche, très tendus, très blessés, qui font qui s'exprime comme par des cris de douleur. Et le rock, c'est quand même tout à fait ça d'abord, et c'est peut-être pour ça que c'est très important pour tout le monde, je crois, enfin pour beaucoup de gens ces 10 dernières années. Et Jacques Higelin, vous aimez ? C'est certaines choses, oui. Dès qu'il y a eu moins de fric, dès que ça a été soi-disant la crise, peut-être ça ne l'est pas vraiment, mais peut-être, en tout cas c'est terriblement entretenu, ça l'est, mais je crois que c'est beaucoup entretenu aussi. Parce que ça permet d'aller vers un mouvement où certains gens dirigeront complètement les gens et qui seront complètement paumés parce qu'ils ont peur. Ils se jetteront. Quand j'avais écrit Alerter les bébés, j'avais pensé sur la phrase « Les gens épouvantés fuient le mal qui est en eux. » Et quand vous en croisez un dans le désert, bon, il trouve encore moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Il a honte de son frère, alors il se précipite en courant dans les bras du premier colonel papa venu qui lui promet la guerre, qui lui jure torture et prison pour celui qui a fait à son rejeton l'affront d'un regard d'amour. Et quand j'avais écrit ça, je pensais vraiment à ça déjà, alors que c'était en 71 ou 72. Je pensais vraiment à ça. Tiens, il passe. Part. C'est sûrement très dur. C'est sûrement plus dur qu'avant. Mais quand j'étais petit, c'était dur aussi. Je sais pas, moi, je peux pas... Que tu tires les conclusions ou non, ça sert pas à grand-chose. Et puis là, comme je suis pris par la grippe, j'ai l'impression que ma tête fonctionne avec la grippe, tu vois. Je peux très bien être... pas du tout enthousiaste ce matin. Enfin, ce matin, cet après-midi. Sur l'avenir, parce que je trouve finalement que tous les gens cherchent la merde, tu vois. Ils la cherchent vraiment. Et ceux qui disent qu'ils sont... que c'est pas de leur faute, qu'ils ont peur, comme les gens qui sont pauvres. Finalement, je me demande jusqu'à quand ils se laisseront avoir ou pas, tu vois. Jusqu'à quand une poignée de gens décidera pour tout le monde qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais je sais pas, plus j'avance, je m'aperçois que l'âme humaine, c'est très très complexe. Et puis des gens que tu voudrais même les sauver, ils te taperaient quand même sur la gueule, tu vois. Quand on pourrait dire quand les gens s'arrêtent de travailler, ils ont peut-être le temps de réfléchir. Et en fait, la première chose qu'ils font dès qu'ils sont au chômage, c'est de chercher du boulot. Parce que c'est normal, vu que si tu crèves la dalle, tu as besoin de trouver du travail. Donc c'est un truc sans fin, ça. Pour qu'il y ait une fin à ça. Même les violences qu'il y a maintenant, tout ce qui est venu, tu vois, d'enfoncer les... tous les actes de violence... de groupes extrémistes et de tout le monde. Ça n'a fait que renforcer cette psychose d'angoisse. Je pense que ces systèmes ont sécrété vraiment des gens totalement désespérés et qui sont arrivés à un point où la vie ou la mort d'un être humain de plus ou de moins, ça n'avait vraiment plus aucune importance. Jean-Marc Thibaudat est triste de n'avoir pas pu parler de Patrice Chéreau. Mehdi Alhadj est triste de ne pas avoir pu parler des punks. Moi, je suis triste de ne pas avoir pu parler d'Emmanuel Lévinas ou de Michel Serres parlant de Zola et de toutes les choses que nous avons oubliées au cours de cette série épopée à la mémoire d'une décennie. Annie Lebeg, Jean-Marc Papadacci, Mehdi Alhadj, Laure Adler, Nuit Magnétique, bonsoir, lundi. Risque de turbulence pendant toute la semaine. Bonsoir. C'était le cinquième et dernier volet de la série Épopée pour une décennie glorieuse. Première diffusion sur France Culture le 9 janvier 1981. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.